apprennent que les poètes ont disparu. Hola, soy Andrés y eso es La Chanson, el programa de canciones francesas de Radiopolis. Dans les rues, la foule les chante un peu distraite en ignorant le nom de l'auteur. Sans savoir pour qui battait. El pasado 24 de abril nos dejaba otro de los grandes. El día de su 74 cumpleaños, un cáncer se llevaba a Dick Rivers. Como su nombre no indica, no es un cantante americano, sino francés, que nació en Niza y tomó como nombre artístico el del personaje de la película Loving You, interpretado por Elvis Presley, su ídolo. Dick Rivers, que se llama Hervé Fornery, se alejó del primer plano de la escena en los últimos años, pero mantuvo siempre el mismo estilo country rock durante sus 55 años de carrera, con unos 36 discos. Como otros cantantes, descubre el rock y el blues por la proximidad de una base americana, en este caso de Niza. Es hijo de comerciantes que nada destinaba a la música. Ya a los 13 años fundaba un grupo de rock que pasará a llamarse Les Chats Sauvages, los gatos salvajes. Después de hacer sus pinitos en bares y fiesta en la Costa Azul, deciden subir a París y ya en 1961 consiguen grabar el primer disco de una exitosa serie de 3 años. Dick abandonará el grupo antes por discrepancias en 1962 para hacer una carrera en solitario. Vamos a escuchar 2 títulos de esa primera época de su carrera. El primero se llama C'est pas sérieux, no es serio. No es serio, mi amor, de besarse así en la calle, entonces ven a mi casa. No es serio, mi amor, va a ser 4 días y 4 noches que no hemos salido. Nuestros amigos nos tomarán por muertos, pero da igual, cuando solo se hace lo que es serio, mi amor, uno se aburre. Escuchemos C'est pas sérieux, cantado por Dick Rivers en dentro de la formación Les Chats Sauvages en 1961. C'est pas sérieux, mon amour, de s'embrasser comme ça dans la rue, n'importe où. C'est pas sérieux, mais c'est bon, mon amour, quand ta bouche affamée se promène sur mon cou. Et moi si timide, timide, je me sens solide, solide, depuis que tu m'aimes, tu m'aimes. Comment le cacher sans tricher ce grand bonheur qu'on affiche sans pudeur. C'est pas sérieux, mon amour, de s'embrasser comme ça dans la rue qui nous voit avec ses yeux trop curieux tout autour. Alors viens donc chez moi, viens chez moi, viens chez moi. Sérieux, mon amour, tu sais tous les amis croient sûrement qu'on est mort. Ça va faire 4 nuits, 4 jours que nous n'avons pas mis le nez dehors. Et s'ils nous questionnent, faudra qu'on leur donne une excuse valable, valable. Et zut, après tout, on s'en fout. Les fermer. Je ne pense qu'à t'aimer. C'est pas sérieux, mon amour. Oui, mais le plus souvent, quand on fait dans la vie, que ce qui est sérieux. Mon amour, c'est comme ça qu'on s'ennuie, qu'on s'ennuie, qu'on s'ennuie. C'est comme ça qu'on s'ennuie, qu'on s'ennuie, qu'on s'ennuie. C'est comme ça qu'on s'ennuie. El segundo fue el gran éxito de la banda Tweets à Saint-Tropez, un tema que se quedaría en una antología del rock francés. Estamos en 1962, es decir, solo 7 años desde que Brigitte Bardot rodara en Saint-Tropez et Dieu créa la femme, y Dios creó a la mujer, que le propulsara al estrellato mundial y popularizó ese pueblecito de Francia como lugar de fiesta para la jet set internacional y los artistas de vanguardia. Tweets en Saint-Tropez es aquí que empiezan todos los bailes que se lanzan en Francia. Aquí se va siempre por delante del mundo entero. Se viene a bailar el Tweets en Saint-Tropez como todos los turistas y todos los artistas de Saint-Tropez. Escuchemos Tweets a Saint-Tropez del año 1962. Seguimos con la carrera en solitario de Dick Rivers. Muchos de sus temas de su primera época son adaptaciones en francés de éxitos norteamericanos. Blue Bayou de Roy Orbison se convirtió en Tu n'es plus là, ya no estás aquí, en la voz de Dick Rivers, con lo que arrasó ese año. Ayer aún me besabas, te rías abrazado a mí. Hoy sé que mentías, ya no estás aquí. Sin ti todo me da igual, quisiera morirme, pero te sigo queriendo. Lo grito tan fuerte que el silencio tiene miedo. Lucho contra mi miedo, tu sombra me sigue día y noche. Ya no estás aquí. Escuchemos Tu n'es plus là del año 1963. Oiseaux des jours d'été s'en vont, ils vont courir d'autres joies. Mais moi ici, je tourne en rond, tu n'es plus là. Hier encore, tu m'embrassais, tu riais serré contre moi. Aujourd'hui, je sais, tu mentais. Tu n'es plus là. Sans toi tout m'est égal. J'ai si mal. Tu n'es plus là. Je voudrais dormir. Je voudrais mourir. Tu n'es plus je t'aime encore, je le crie si fort que le silence a peur. Je m'accroche à des riens, tes yeux et tes mains, à l'espoir qu'il meurt. Peut-être un jour je serai fort, j'oublierai tes lèvres et tes bras. Mais ce soir je suis faible encore, tu n'es plus là. Sans toi tout m'est égal, j'ai si mal, tu n'es plus là. Je voudrais dormir, je voudrais mourir, tu n'es plus là. Et les yeux fermés, insensés, je lutte avec ma peine. T'arracher de moi ou courir vers toi, je ne sais plus. Ton ombre me suit le jour et la nuit. Tu n'es plus là. Entre 1967 y 1969 andará en América, en Quebec, donde se hizo muy popular toda su vida, y en Estados Unidos, donde graba unos discos en inglés, y sobre todo en 1969 tiene una breve charla después de un concierto en Las Vegas con el mismísimo King Elvis, el sueño de su vida. Entre 72 y 74 tiene la suerte de cruzarse con el gran Alain Bashung, que le realizará varios discos. Uno de ellos, disco de oro, del que vamos a escuchar Maman n'aime pas ma musique. A mamá no le gusta mi música. En mi coche americano soy el más fuerte. Todas las chicas recogen mis chicles. Y si me llaman el ídolo de los jóvenes, decidme por qué a mi madre no le gusta mi música. La chica que quiero es eléctrica, me coge todas las noches, pero su madre ha escuchado mis discos y prefiere a Tino Rossi. Eso sí, en el escenario soy el más fuerte y rock and rollo para vosotros. Escuchemos Maman n'aime pas ma musique del año 1974. Seguimos con una balada que, además de ser una versión francesa de Take Me Home, Country Roads, del estadounidense John Denver, no es la primera vez que se canta en francés. La versión de Marie Laforêt, Mon pays est ici, mi país está aquí, es realmente sublime. Quizás suene a algunos la versión española de Mocedades, Carretera del Sur. La de Dick Rivers se llama Faire un pont, hacer un puente, por lo que no tiene nada que ver la letra de esta versión con las anteriores. De tu cara a mi pueblo hay este río que nos separa. Hacer un puente, darle tu nombre, cruzarlo para besarte. Intente navegar hacia otros corazones, pero entre nosotros solo hay un río para separarnos. Escuchemos Faire un pont del año 1976. Il n'y Y en a marre de ce western, estoy harto de este western. Es la versión francesa de Rider in the Rain del oscarizado Randy Newman del álbum Little Criminals. En este caso se mantiene fiel a la faceta irónica de Newman. No más balas en el revólver, no más whisky en mi cantimplora, estoy solo en el desierto. Los apaches han quemado mi granja, el sheriff ha violado mi caballo. Hubiera querido ser un héroe, romperle la cara a John Wayne, pero los buitres acabarán conmigo. Todo lo que quiero es volver a casa. Escuchemos Yana Mar de su western del año 1979. Plus une balle dans le revolver, dans ma cour d'y a plus de whisky, je suis tout seul avec le désert. Qu'est-ce que je fous dans cette country? Les Cheyennes ont scalpé ma femme, les Apaches brûlé ma ferme, le shérif a violé mon cheval. Y'en a marre de ce western. Y'en a marre de ce western. Y'en a marre de ce western. Tout ce que je veux, c'est rentrer chez moi. Y'en a marre de ce western. Je partais pour l'Arizona, tuer le bison, aimer les filles et leur chanter Oh Susanna avec un banjo en manie. Y'en a marre de ce western. Album to western. Y'en a marre de ce western. Tout ce que je veux, c'est rentrer chez moi. Y'en a marre de ce western. Fatigué, le desperado, la même plus tabac à chiquer. Sans ses bottes, la selle sur l'épaule, Danny Mamie, venez me chercher. J'aurais voulu être un héros, casser la gueule à John Wayne, mais les vautours auront ma peau. Et on a marre de ce western. Et on a marre de ce western. Et on a marre de ce western. Tout ce que je veux, c'est rentrer chez moi. Et on a marre de ce western. Et on a marre de ce western. Album to western. Et on a marre de ce western. Tout ce que je veux, c'est rentrer chez moi. Et on a marre de ce western. Allez, on continue. En los 80 sacará un nuevo disco con sus compañeros de Chat Sauvage, presentará un programa diario de radio sobre la historia del rock, pero lo que más sigue sonando de esa época es la canción Nice Baie des Anges, Niza, Bahía de los Ángeles. Recordemos que es la ciudad natal de Hervé Fornery y el nombre de su magnífica bahía. Me gustaban las palabras de amor en inglés cuando tenía 18. Era un macarra imperfecto, un pandillero del que soñarías. Había estrellas de verano, toda una juventud que soñaba, los deportivos en las avenidas y todos estos ángeles a tu lado. Si lo hubieras conocido entonces, lo echarías de menos. Escuchemos Nice, Baie des Anges del año 1984. Avanzamos en el tiempo 11 años cuando el álbum Plein Soleil a pleno sol supone su vuelta al público francés después de unos años cantando en inglés o en América. Empieza con él un periodo creativo más personal a partir de ahora y con bastante éxito. Pero, ¿qué es lo que puede hacer llorar a una chica tan guapa en ese taxi a pleno sol un domingo por la tarde en París? Pide un cigarrillo al taxista que mira en el retrovisor esas largas piernas de esa chica que llora atrás a pleno sol. Escuchemos Plein Soleil del año 1995. Le soleil roule sur le pare-brise. Il écoute Bette Davis Eyes, le chauffeur de taxi. C'est une journée qui lui sourit. Dans le rétro, il mate les jambes de la fille très belle assise sur la banquette arrière. Pas encore vu les rivières qui sur son cœur déferle. Elle pleure en plein soleil. Mais qu'est-ce qui dans ce taxi l'après-midi en plein Paris peut faire pleurer une fille si belle? Elle veut fumer, cherche du feu. Son sac couvert, papier froissé. Ça y est, il aperçoit les larmes, désespoir qui coule. Il évite son regard. En plein soleil. Mais qu'est-ce qui dans ce taxi l'après-midi en plein Paris peut faire pleurer une fille si belle? Il se donne de ses airs. Il veut faire partie du mystère. Mais qu'est-ce qui dans ce taxi l'après-midi en plein Paris peut faire pleurer une fille si belle? La trahison des mots, la trahison de las palabras, es el primer tema del siguiente álbum que evoca a los tiburones del show business. Todos estos collares le dan una edad que no tiene todavía. Las caricias de estos ricachones a quien da su juventud contra promesas que no cumplirán. Los productores, los empresarios, que le predicen una gran carrera dispuesta en naufragar bajo el lujo de las tarjetas Gold, conocerá la traición de las palabras. Escuchemos La Trahison des mots del año 1998. Elle ouvre les yeux le matin vers 14 ou 15 heures passées. Elle n'a pas de raison de se presser. Ce n'est que l'ennui qui l'endort, sa vie est comme un dessert brûlé. Tous ses brillants, tous ses colliers lui donnent un âge qu'elle n'a pas encore. Un âge qu'elle n'a pas encore. Tombent les paillettes, témoins d'une éphémère beauté. Elle met ses bottines de guerrier qui la guide vers les caresses de ses vieux goujats pleins de monnaie. À qui elle troque sa jeunesse pour des promesses qu'il ne tient jamais. Promesse qu'il ne tient jamais. Elle aime qu'on dise que ses yeux sont beaux, que sa voix est claire comme l'eau. Elle aime qu'on dise que ses yeux sont beaux, qu'elle connaîtra le succès bientôt. Elle connaîtra la trahison des mots. Les producteurs, les managers lui prédisent une belle carrière. Elle est prête à se faire rouler par les requins d'un show business, amateur d'art bien subventionné. Les cow-boys d'un petit Far West qui roulent en gold credit card express. Roule ton gold credit card express. Elle aime qu'on dise que ses yeux sont beaux, sa voix est claire comme l'eau. Elle aime qu'on dise que ses yeux sont beaux, qu'elle connaîtra le succès bientôt. Elle connaîtra la trahison des mots. Tous ses brillants, tous ses colliers, ces paillettes, cette beauté. Lui donne un âge qu'elle n'a pas encore. Llegamos al siglo XXI con el álbum Amoureux de vous. Enamorado de usted, disco cuya portada representa a una chica con la imagen de Dick tatuada en la espalda. Cuando la vi en su bata blanca, desde entonces me duele. Estoy muy enamorado de usted. Solo usted me puede salvar. Mi corazón me va a dejar. La vida es tan corta y me duele tanto. Recuerde, ha jurado asistir a los corazones en peligro y no hay pastilla para que la olvide. Escuchemos Amoureux de vous del año 2001. Un soir d'été, il faisait chaud. Je cherchais un peu d'aventure. Quand je l'ai vu dans sa blouse blanche, si jolie. Et depuis j'ai mal. Docteur, sauvez-moi du blues. Je suis gravement amoureux de vous. Vous seul pouvez me sauver. Oh oui, je suis gravement amoureux de vous. Un joli visage peut rendre fou. Je pense à vous. Et j'ai le cœur qui lâche. Prenez ma main et vous verrez que j'ai le pouls d'un condamné. Docteur, sauvez-moi du blues. Je suis gravement amoureux de vous. Vous seul pouvez me sauver. Oh oui, je suis gravement. Dos años más tarde sale Auto Rivers, del que vamos a escuchar Je traverse sans regarder, cruzo sin mirar. No vi la luz, pero entré. No vi la frontera, pero pasé. Podría haber dado marcha atrás, pero seguí. No supe callarme y lo estropeé. Ahora dejo que el viento sople. Escuchemos Je traverse sans regarder del año 2003. Je n'ai pas vu la lumière, mais je suis entré. Je n'ai pas vu la frontière. Passé. J'aurais pu revenir en arrière, mais j'ai continué. Sans savoir si je m'enterre ou si je suis né. Et je traverse sans regarder. D'un train manqué, je traverse sans regarder. année. Je n'ai pas su me faire taire. Du mal qu'on m'a fait. J'aurais pu revenir en arrière et m'apitoyer. Sur tout ce que j'aurais dû faire sans rien y changer. Et je traverse. À l'inverse d'un train manqué, je traverse sans regarder tous ces moments donnés, à jamais condamnés. Et je laisse le vent tourner. Je remets à jour des heures à remonter avant la nuit tombée. Et je traverse sans regarder. Et j'avance le souffle coupé. Et je perce à jour l'air bien aiguisé, tous ces moments donnés, à jamais condamnés. Oh, à jamais condamnés. Terminaremos con uno de sus últimos éxitos, L'homme sans âge, El hombre sin edad. He hecho un pacto con el diablo, vendido mi alma al mejor postor, me he ofrecido la nada, he querido tanto, no me has creído, me he vuelto lo que ya no era, lo he perdido todo. No hablamos más. Bueno, pues así vamos a despedir a Dick River, que siempre se dice que los viejos rockeros nunca mueren, y entonces nos quedamos eternamente con su música. Escuchemos L'homme sans âge del año 2008. Avec le diable, vendu mon âme au plus offrant. J'ai voulu devenir enviable, je me suis offert le néant. Dans l'arrière-cour d'une voie de garage, j'ai écrit mon nom proprement. Puis j'ai regardé l'homme sans âge emporter avec lui l'enfant. J'ai tant voulu. Tu m'as pas cru. je suis devenu ce que je n'étais plus. J'ai tout perdu. N'en parlons plus. J'aurais voulu pouvoir lui dire qu'au fond je ne savais pas vraiment ce que tout cela voulait dire. Mais je n'en ai pas eu le temps. J'ai crié son nom à la nuit dans un sursaut d'orgueil enfui. J'ai laissé le moi avec lui. J'ai eu pitié de mon envie. J'ai tant voulu. Tu m'as pas cru. Je suis devenu ce que je n'étais plus. J'ai tout perdu. N'en parlons plus. Mais désormais j'habite ici. J'ai pactisé avec le diable. J'ai tant voulu, tu ne m'as pas cru. Je suis devenu ce que je n'étais plus. J'ai tout perdu. N'en parlons plus. J'ai tant voulu, tu ne m'as pas cru. Je suis devenu ce que je n'étais plus.